Pour tout besoin électrique, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel, l'entreprise qu'il faut contacter, c'est les Électriciens du Nord de l'Ascension. En affaires depuis plus de 40 ans, les Électriciens du Nord, c'est une équipe d'expérience chevronnée qui répondra à vos besoins. Les Électriciens du Nord, 1ère rue L'Ascension, 418-347-5103. Le propriétaire, M. Ghislain Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation du carnaval de Saint-Ludger-de-Milo et invitent la population à participer aux différentes activités qui auront lieu en fin de semaine. C'est le commentaire de Tommy Phil Desgagnes. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, je veux te parler de ce qui est survenu cette semaine. Tu sais que j'ai pas tellement suivi, par contre, j'ai quand même une opinion là-dessus. C'est le hier, on a décidé que les batailles dans la Ligue de hockey junior du Québec, on retardait un petit peu le vote et ainsi de suite. Question Phil, moi, t'es arbitre, tu suis très près de la Ligue junior du Québec. Moi, mon opinion là-dessus, c'est que premièrement, la Ligue junior du Québec fait partie des Canadiens de hockey et ont comme mission de préparer les jeunes pour la Ligue nationale de hockey. Même s'il y a 1% des jeunes qui vont atteindre la Ligue nationale, il reste quand même que c'est une école en vue de cela. Si tu fais un changement, il faut que ce soit uniformisé partout. Tu es d'accord avec moi? Ben écoutez, moi je me suis exprimé là-dessus mardi dans le journal ouais. quotidien en disant que j'étais contre qu'on élimine les batailles. Je peux comprendre que la période où j'ai été officiel dans la Ligue junior majeure du Québec, on avait 4 à 5 batailles par rencontre. Je pense qu'il était exagéré et je pourrais comprendre. Maintenant, on a une bataille à tous les 4 rencontres. Mm. Et souvent, ces batailles-là ne sont pas préméditées. C'est dans le feu de l'action. Exemple, un joueur reçoit un mauvais coup d'un joueur adverse. Ben là, un coéquipier veut aller rappeler à l'autre qu'à l'avenir, on touche pas, exemple, à son meilleur joueur. Et je pense que ça fait partie du hockey, là. Je pense que régulièrement. Deux, les nombreuses blessures que les joueurs obtiennent, des coups à la tête, des doubles échecs, des mises en échec par derrière, des coups de bâton, sont un lot dans le hockey. Alors que c'est très rare qu'une bataille va faire qu'un joueur est blessé sévèrement. Régulièrement, en plus, les juges de ligne interviennent très, très rapidement. Rarement, vous allez voir une bataille qui va durer. Exemple, dans la Ligue nord-américaine, on laisse les deux gars, mais ces deux gars sont là. Ça fait partie du show. C'est stagé. Exact, c'est ça, on est préparé. Alors que dans la Ligue junior majeure et même dans la Ligue nationale, rarement on voit les juges de ligne laisser aller une bataille. On intervient rapidement. Donc, moi, personnellement, je pense que la Ligue voulait, pour se donner une autre image, essayer d'être précurseur dans le domaine, parce que régulièrement, il y a des critiques qui viennent des médias montréalais, qui ne suivent presque jamais la Ligue junior majeure du Québec. Et là, on critique régulièrement, il y a trop de transactions, il y a trop de voyagements, pas assez de temps aux études, le calendrier est trop long. Mais le but de la Ligue junior majeure du Québec, tu l'as bien dit en début des shows, c'est de préparer des joueurs pour la Ligue nationale ou la Ligue américaine, ou même l'international, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui vont jouer en Europe et qui poursuivent quand même quelques années leur rêve de jouer au hockey professionnel. Donc, moi, personnellement, je pense qu'on doit demeurer, et je suis pas surpris cette semaine qu'il n'y a aucune décision de prix. Je pense qu'il faut être conscient qu'il y a des propriétaires, et il y a deux philosophies de hockey qui s'affrontent, là. Les Maritimes et le Québec. Les Maritimes sont favorables à ce qu'il y ait des batailles dans le hockey, alors que le Québec, un peu moins. Mais il faut regarder également la qualité des individus qui sont autour de la table à prendre des décisions. Quand M. Irving, quand Bobby Smith est là, que M. De McCain est là, Jacques Tanguay, c'est des gens qui ont beaucoup de présence au bureau des gouverneurs. C'est nouveau pour eux autres, là, ils n'étaient pas là avant. Mais maintenant, ces gens-là ont quand même des opinions, pas habitués trop de se faire confronter. Et je pense que c'est que le résultat soit là, je suis pas surpris. Puis moi, je pense que dans 4 mois, ils changeront pas la décision. Ben non, je penserais pas, personnellement. Mais Phil, là-dessus, tu es d'accord avec moi aussi que si on change ce règlement-là, il faut que ce soit uniformisé avec l'Ouest puis l'Ontario. Exact, c'est la même affaire. Quand tu vas arriver à Coupe Memorial, ça va être permis. Ça n'existera pas. Ouais. Deuxièmement, la Ligue canadienne de hockey, c'est un tout. Avant longtemps, il va y avoir une seule Ligue. Une Ligue canadienne avec une division de l'Est, une division centrale puis une division de l'Ouest. Ça va arriver avant longtemps. Mmh. On a engagé un commissaire maintenant, et l'année passée, qui gère les 3 ligues. Donc, moi, je ne serais pas surpris que d'ici quelques temps, il y ait qu'une seule ligue canadienne, c'est le but visé d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, il faut que les règlements soient uniformes. Et deux, régulièrement, quand on adopte des règlements dans le junior majeur, Ce sont les règlements de la Ligue nationale de hockey. Souvent, la Ligue nationale il va avec un changement. L'année d'après, la Ligue junior s'adapte au règlement de la Ligue nationale. Donc, moi, personnellement, je pense pas qu'on va éliminer les batailles dans les prochaines années. Mais Phil, tu te rappelles, on est loin de Yogi Morissette, puis on est loin des Michel Bergeron. Ça, je te dis, là, moi, au moment où j'ai arbitré, moi, j'ai arbitré, il y avait 4 à 5 batailles par rencontre. Et c'était dans ce temps-là, c'était monnaie courante. Maintenant, on n'est plus là. Moi, je pense que une bataille à tous les 4 matchs, là. Écoutez, au Centre Vézina, cette année, moi, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 batailles maximum dans toutes les rencontres, là. Puis 2, ça dure même pas 30 secondes, là, tu sais, quand tu regardes ça. Donc, personnellement. Et 2, il y a un règlement. Si on applique ce règlement-là, et je sais très bien que les instructeurs sont là pour gagner, il y a des trucs, puis je l'écrivais mardi dans le quotidien, il va arriver des parties où un joueur va être provoqué par l'adversaire dans le but qu'il lâche les gants, même si des fois, dans le feu de l'action, le gars réfléchit pas, dirait, je vais sortir du match, il lâche les gants, il entreprend le combat, puis là, il est expulsé de la rencontre. C'est ton meilleur joueur, là. Tu fais quoi dans un match important? La mission va être accomplie par l'autre équipe, et toi, tu viens de perdre ton meilleur joueur. Et n'oubliez pas, et là, je voyais un commentaire d'un instructeur dire, ouais, les arbitres jugeront. Déjà, les arbitres ne portent que sans arrêt toute la rencontre des jugements. On veut nous en mettre encore plus de pression, alors qu'on veut éliminer avec les reprises vidéo et tout. Donc, moi, personnellement, je pense pas que ce règlement-là va passer dans les juniors majeurs du Québec. Phil, Canadien, j'en étais un dessus, moi, qui je dois passer à confesse, qui était embarqué dans le bandwagon à Kovalchuk, mais forcé d'admettre que là, ça a baissé pas mal. Mais là, on entend ce matin que Claude Julien serait prêt à donner, pas Claude Julien, mais Marc Bergevin, un contrat d'un an à 3,5 et 5 millions. Comment tu trouves ça, toi? Moi, je pense que je reviens à ce que Michel Bergeron a déjà dit à TVA Sport l'autre fois. Le monsieur était content parce qu'il jouait 20 minutes, mais si on y coupe du temps de glace l'année prochaine, quel temps qu'il va... Ça dépend toujours du rôle que Marc Bergevin voit à Kovalchuk. S'il pense que ce gars-là, pour un an, peut aider à la progression des jeunes à cause de son leadership, à cause de la façon de voir, à cause de toute l'implication qu'il y a au niveau des jeunes joueurs, moi, je pense que c'est peut-être un bon investissement. Est-ce que Marc Bergevin est rendu là? Parce que des choix de repêchage, c'est bien beau, des deux puis des trois. Ils joueront pas tout en même temps. Puis deux, ça va être dans 4-5 ans. Au moment où je te parle, il y a 4-5 bons jeunes joueurs. Est-ce qu'ils ont besoin d'être bien guidés? Exemple, par quand je regarde un peu l'élément actuellement, est-ce que Suzuki a besoin d'un Kovalchuk? C'est la question. Tu sais, chez Weber, quel genre d'influence a-t-il au niveau des jeunes défenseurs? C'est toutes ces choses-là que Marc Bergevin, lui, connaît, qu'il sait également comment ça se passe au niveau de son vestiaire. À ce moment-là, il est peut-être pas, surtout que le Canadien a de la marge de manœuvre au niveau. Est-ce qu'un troisième choix pour lui, c'est assez? Probablement qu'il dit non, ça vaut pas la peine, je le garde pour moi encore au moins une année. C'est toujours la question, parce que nous, c'est facile de critiquer. On vit pas avec les joueurs, on n'est pas dans le vestiaire. Et deux, demain matin, même si c'est un choix de troisième ronde, le Canadien ne fera pas plus partie des séries éliminatoires ou pas. Tu sais, quand je regarde ça, est-ce que Kovalchuk, puis deuxièmement, il est populaire auprès des partisans, il amène une dimension que les gens aiment, parce que on aime ça avoir aussi des vedettes puis des joueurs quand même de qualité à Montréal. Puis ça reste un joueur quand même qui a marqué l'histoire. Un gars qui marque 450 buts, j'espère que... Non, écoute, de manière ou l'autre, là, demain matin, là, je pense que ce gars-là, il amène quelque chose actuellement aux Canadiens de Montréal que Marc Bergevin peut se permettre. Et moi, je pense, exemple, la transaction qu'il a faite cette semaine, je pense que c'est une bonne transaction. Tu sais, il a donné un choix de 4, là, il a pris un choix de 2 puis un choix de 4. Donc là, tu dis, je t'ai donné un choix de 2 gratuit pour 6, 7, 8 matchs, puis ce gars-là devient joueur autonome à la fin de la saison. Est-ce qu'il pourrait leur signer, puis il revenir à Montréal? Peut-être. Il a peut-être apprécié son séjour à Montréal, puis il dit que lui, l'an prochain, il veut signer comme joueur autonome. C'est toutes des choses que je pense qu'on ne connaît pas les résultats au moment où on se parle, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. En terminant, Phil, tu t'attends-tu à beaucoup de mouvements? Moi, je pense que Nate Thompson, c'est écrit, va partir. Il y a des joueurs que des équipes, moi, je pense que ça dépend toujours. Exemple, s'il y a une grosse transaction ou deux grosses transactions avec des clubs, il y a peut-être des clubs qui vont dire, hey, là, nous n'avons pas le choix, il faut avancer, là. Peut-être, à ce moment-là. Tu sais, moi, on parle de Petrie. Moi, je pense que le Canadien ne peut pas se permettre de laisser aller Petrie, qui est là encore pour 4-5 saisons, puis qui est le défenseur numéro 2 derrière chez Weber. Moi, je pense qu'on a besoin de ce gars-là. Demain matin, il n'y a pas personne qui est prêt à prendre la relève de Petrie, là. Non. T'sais? À ce moment-là, ça dépend. Si on veut te donner un jeune joueur qui est déjà à 20 ans, presque à maturité, on veut te donner un choix de repêcheur. Exemple, cette semaine, quelqu'un me disait que Samuel Girard pourrait quitter chez pour Colorado pour venir à Montréal contre un Tatar ou un autre. Je dirais oui, le Canadien peut se permettre parce qu'ils savent déjà les résultats, qu'est-ce que Girard peut donner. Mm. Mais un choix de repêcheur, c'est un peu tête, là. Ben c'est pas rien de précis, puis il n'y a rien de chaud. Si demain matin, on me dit Kovalchuk, là, on vous donne un joueur qui joue sur un deuxième ou un troisième trio à quelque part, puis tu sais que ce gars-là, il est de calibre de la Ligue nationale. Moi, je pense que j'ai pas de problème avec ça. Ben, c'est parce qu'on en masse les choix de repêchage aussi. Les choix de repêchage, c'est bien beau, mais t'as-tu quoi? T'as pas les résultats. Non. Avant 3, 4, 5 ans. Allez, en terminant, Phil, le Rocket de Laval, là, ça va... T'sais, on parle du Canadien. Non, puis est-ce que c'est désastreux? Moi, je pense que si le Rocket, parce que de fait, ils font pas les séries, là, est-ce que c'est un désastre? Ça dépend avec les salaires qu'on verse à des joueurs de la Ligue nationale qui jouent, là, c'est un désastre. Moi, personnellement, là. Moi, je pense pas que Joël Bouchard monte sa cote avec les résultats qu'il obtient actuellement, là. Tu sais, j'ai rien contre Joël, puis il parle beaucoup, mais quand ça arrive le temps de dire, faut qu'il produise au niveau de la glace, là. Comment on se parle? Je regarde l'équipe, là. Hey, il y a 5-6 gars qui ont des contrats One Track, Ligue nationale, là. Mm. Donc, puis ça donne pas de résultats. Donc, tu te poses des questions maintenant. Pourquoi est-ce que le développement se fait là? Pas sûr. Moi, là, je suis actuellement chez le Rocket, là. Hey, puis il n'y a pas rien que ça non plus. T'sais, je l'entendais cette semaine dire que le Jello pognait pas entre les jeunes qui ont été retournés dans les mineurs, les Kotkaniemi, puis les vétérans. Puis il y avait une meilleure équipe avec les joueurs qui arrivaient de la East Coast. Ben, quelque part, c'est sa job, lui, de faire que le Jello pogne ensemble, non? C'est son travail à lui de rassembler tout le monde, puis de faire gagner l'équipe, puis de faire avancer l'équipe. Un instructeur, c'est payé pour ça. Ouais. Faire progresser ton club, puis avancer ton club. Au moment où on se parle, ça donne pas les résultats. Kincaid, on a fait, il n'y a même pas de calé par la Ligue américaine actuellement. C'est incroyable. C'est pas beau, là. C'est l'erreur de Marc Bergevin, ça. Ouais, mais de là, pas de calé dans l'initiation, c'est une chose. De pas être calé par la Ligue américaine, c'est une autre chose, là. Ah, non, je suis d'accord avec toi, là, Danny. C'est pas le meilleur geste que Marc Bergevin a posé. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Phil, on s'en reparle vendredi prochain. C'est le commentaire de Phil.